l'occasion d'en parler avec vous, là, pour vous raconter un petit peu ce que ça raconte, ces 25 ans de lutte, là où ils en sont, ce qu'ils ont pu nous apporter comme parole, puisque après s'être soulevés par les armes, ils ont très vite, et déjà dès le départ, dès le soulèvement en armes, c'était déjà une déclaration qui disait beaucoup de choses. La première déclaration de la Selva Lacandone, il y en a eu 6 jusqu'à ce jour. Et à chaque fois, des rencontres, on en a parlé régulièrement avec les peuples du monde, les femmes, les paysans, les indigènes, ou tous les peuples du Mexique, peuple indigène, et puis avec la société civile. Et donc, tout un tas de rencontres où à chaque fois, il y a des grandes déclarations qui nous permettent un peu de voir le cheminement des apatistes. Et donc, on en profite souvent pour le partager avec vous. Et la jungle des luttes, c'est surtout du coup aussi la possibilité de rencontrer toutes ces autres luttes qui sont en bas, à gauche, comme on aime bien le dire. À gauche, on aura compris anticapitaliste pour faire court. En bas, pour s'opposer à tout ce qui est pouvoir institutionnel ou toute forme de pouvoir non institutionnel, parce que c'est un peu contre ça qu'on se bagarre aussi, les rapports de domination entre... les personnes, les genres, etc. Donc voilà, on est et on aime bien donc rencontrer les copains du CSIA, le Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques. On fait une émission par an souvent avec eux parce qu'ils ont souvent plein de luttes à partager avec nous. Et donc là, c'est la bonne occasion qu'on commence l'année avec eux et donc ils vont pouvoir partager avec nous des résistances et des luttes. Plutôt aux États-Unis, au Canada et en Guyane aussi, française peut-être. Enfin, là, ils ont plein de contacts et donc il y a plein de luttes. Donc, on va voir avec eux tout ça. Donc, on fait une petite pause musicale avant d'entrer dans le vif du sujet avec le CSIA. We want 106.3 FPP, la jungle des luttes, donc émission proposée par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc déjà nous, 24 ans, on parlait des 25 ans des apatistes, et puis on a aussi le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques qui est avec nous et qui eux ont encore une plus grande histoire, hein. ça a déjà, vous avez plus de 40 ans. C'est ça. Donc oui, c'est ça. On a merci fêté à nos... vous d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Nous, on a été créés donc en 78, donc à la suite de la demande de peuples autochtones qui étaient partis pour promouvoir leurs droits, donc à Genève en Suisse en 77. Donc on est né de cette demande internationale de voir des associations, des collectifs se constituer en soutien donc aux peuples autochtones des États-Unis, du Canada. Donc en résistance. Et en fait, l'association elle a pour but de promouvoir les différentes luttes, mais également les arts, les cultures des peuples autochtones donc, de l'Alaska à la Terre de Feu. Donc on n'est pas seulement axé sur l'Amérique du Nord, mais aussi l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et donc voilà, donc nous, on a aussi une lettre d'information qui s'appelle la lettre de Nitassinan. Donc Nitassinan, ça veut dire notre terre en langue Innu. Et donc voilà, on organise différents événements, meetings, tables rondes, expositions, projections. Et donc voilà, depuis 40 ans. Et donc aujourd'hui, vous aviez décidé de partager un certain nombre de luttes et de résistances, peut-être de nous faire des appels aussi pour se mobiliser éventuellement. En tous les cas, il y a souvent des campagnes qui sont lancées aussi, selon les urgences que connaissent les peuples en résistance, sachant qu'on pourrait être en urgence bien plus souvent, mais après, c'est un manque d'énergie, d'information aussi. En tous les cas, vous avez plein de choses à nous partager. C'est à vous. Dites-nous tout ce que vous voulez. Alors, nos grosses campagnes, c'est 5 dernières années, un peu moins, c'est depuis 2016, en fait, il y avait eu une mobilisation historique dans la réserve de Standing Rock, c'est dans le Dakota du Nord aux États-Unis. Et c'était contre la construction d'un oléoduc qui s'appelle Dapple, et donc qui a été construit par la société Energy Partner Transfer. Et en fait, donc Obama avait pendant un moment réussi à lever la construction, mais elle a été remise au goût du jour et achevée par l'investiture de Donald Trump. Et donc c'est une mobilisation qui a duré d'avril 2016 à février 2017. Et donc, il y a eu plus de 200 tribus et nations autochtones qui sont retrouvées donc, pour protéger la rivière Missouri et un affluent, enfin, la rivière Cheyenne. Et en fait, c'est à partir de là, de cette grosse mobilisation, qu'on a lancé une campagne pour le désinvestissement, c'est-à-dire pour que les... parce qu'en fait, il y a 5 banques françaises qui étaient impliquées exactement dans le projet. Et du coup, on a donc il y avait BNP Paribas qui ensuite s'est enlevé retiré, exactement oui. À hauteur de je sais plus combien de milliards, c'était 1 milliard et quelques je crois. Mais sinon il y a la Société Générale, Natixis, Crédit Agricole qui étaient impliqués. Donc voilà, donc c'était vraiment l'idée de dénoncer où l'argent des banques allait et aussi diffuser auprès du public, des gens, enfin eux qui sachent où allait leur argent. Donc c'est des campagnes qui à la base ont été lancées aux États-Unis. Une des premières villes qui a vraiment abouti dans cette démarche, c'était Seattle, où ils ont réussi à faire se désinvestir une banque énorme, enfin Wells Fargo. Enfin, il y a eu énormément de fonds qui ont été retirés de cette banque-là dans la ville de Seattle, donc du coup qui a porté un coup direct à la construction de cet oléoduc, mais bien qu'il ait été achevé. Mais en tout cas aussi, c'est des banques qui sont impliquées dans d'autres projets. Donc pas seulement dans le Dakota, il y en a aussi un en cours qui s'appelle Line Free, dans la région des Grands Lacs, dans le Minnesota, donc à la frontière états-unienne-canadienne. Donc qui impacte aussi directement les peuples autochtones qui sont dans cette région. Et sinon aussi en Colombie-Britannique, donc il y a un projet d'extension de l'éoduc qui s'appelle Trans Mountain par la société Kinder Morgan. Et là, donc, ça impacte directement un peuple autochtone en territoire Sepwempec. Donc, il y a un peuple autochtone là-bas. Et donc, ça risque de contaminer l'eau, alors que c'est des peuples qui vivent directement, enfin, la pêche, du saumon, etc. Donc voilà, sinon il y a d'autres projets en cours, Keystone XL, le Bayou Bridge vers la Louisiane, donc aux États-Unis, etc. Oui, c'est ça. Et du coup, ça, c'est important aussi, cette mobilisation, parce qu'on manque souvent d'informations sur, puisque c'est souvent les mêmes qui sont impliqués dans tous les projets, dans le monde entier, surtout autour de la planète. C'est-à-dire que du coup, on sait qu'il y a des pays, mais après, dans ces pays, on parle, oui, la France, elle est impliquée dans plein de projets, l'Espagne, le Canada. Puis après, on peut aussi encore cibler précisément, justement, ces entreprises. Et il y a des mobilisations qui avaient été faites aussi aux États-Unis avec les copains de la Sexta, là où ils étaient venus justement se déplacer, puisque le siège était à Londres, ils étaient venus se déplacer jusqu'au siège des banques appliquées dans des... Bon, c'était un projet immobilier. Mais donc, c'est important, effectivement, de faire ce travail pour pouvoir nous donner un sens aussi à ce qu'on peut faire ici sur place. C'est vrai que c'est important de pouvoir se mobiliser sur ce type de campagne. Ça donne beaucoup de travail, d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de projets. Tout à fait. Et puis, ce qui est assez fou, c'est que souvent, on regarde très loin, mais pas forcément ce qui est près de nous, ou en tout cas ce qui nous touche directement. Et en fait, la France est directement impliquée dans les Amériques avec le projet Montagne d'Or en Guyane. Donc, on se mobilise aussi là-dessus. Et donc, pour promouvoir les droits des peuples Kalinia, Wayana, enfin des six peuples autochtones de Guyane, qui se battent actuellement donc, contre un méga projet minier qui correspondrait à des dizaines et des dizaines de stades de foot réunis, et qui va directement impacter, encore une fois, les ressources naturelles, l'eau, les... Voilà. Et donc, du coup, c'est toi qui voulais parler de la Montagne d'Or, du coup ? Parce qu'on pouvait peut-être un petit peu détailler, vu que la France était où c'était... Tu veux continuer ? Non, mais effectivement, on peut voir que tous ces projets ont quelque chose qui cristallise donc la résistance, en tout cas pour les peuples autochtones, que ce soit Canada, États-Unis, Mexique, et on descend après, on peut descendre jusqu'au Pérou, Argentine, Chili, etc., et en passant par la Guyane. Parce que la question, c'est que les peuples autochtones, ils sont liés à leur territoire. Et donc la défense des terres et territoires, puisque les peuples autochtones, en fait, sont liés avec une vision du monde qui est complètement différente que le monde capitaliste qu'on essaye d'imposer. Voilà, l'idée du territoire est quelque chose qui est prégnant, et ces projets vont donc à l'atteinte même de leur fondement de comment la société voit la terre, le rapport à la terre, etc. Et donc effectivement, il y a des corollaires, et il y a des choses qui sont transversales entre ces différents projets, et chacun s'inspire aussi. Enfin, la résistance des uns s'inspire de la résistance des autres. Par exemple, sur ce méga projet Montagne d'Or, donc il y a une nouvelle génération de jeunes autochtones, jeunesse autochtone de Guyane, avec notamment Christophe Yaguena Pierre, qui est maintenant même au sein du conseil coutumier en Guyane, qui est vraiment, enfin, cette nouvelle génération qu'on peut retrouver dans toutes les Amériques. Et Christophe, quand il est venu plusieurs fois donc avec le CICIA, etc., et il demande des informations sur Standing Rock, justement, de cette résistance, de ces campements de résistance. Dans son imagerie, ça, il ne nous l'a pas demandé, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Quand ils ont fait les premières manifs, ils mettaient un paliacaté rouge sur le visage, s'inspirant des communautés zapatistes en résistance. Enfin, voilà, il y a toutes ces synergies qui sont en train de se faire dans les Amériques. Et cette convergence des luttes aussi avec... pas seulement avec les peuples autochtones, ils agrandissent leur champ de solidarité, et ils veulent être vraiment intégrés dans le combat global sur le terre et territoire. Et donc ils s'intègrent avec les mouvements sociaux, avec les mouvements africains-américains. Féministes aussi. La question du genre est aussi quelque chose qui est vraiment mis en avant. Cette nouvelle génération vraiment s'inspire un peu de toutes ces réflexions qu'il y a eu depuis les années 70, et tout ce qui est en train de se cristalliser dans le monde depuis les années 2000. Non, mais c'est ça, c'est une, des véritables passerelles qui se font entre chacune des luttes et autour de la déconstruction à la fois d'un schéma de pensée, de concept autour de laquelle la société capitaliste a été construite, le patriarcat, le sexe, le genre, la race. Enfin, donc c'est vraiment des problématiques intersectionnelles aussi qui veulent dénoncer ce pourquoi leur territoire est atteint actuellement. C'est l'entreprise capitaliste considère la terre comme... et ça, c'est une analogie qui est faite par certains des représentants autochtones eux-mêmes qu'on reçoit. C'est l'analogie qui peut être faite entre le corps de la femme et le corps de la terre, et les deux sont violés avec le même désir capitaliste de faire du profit, quoi. On fait une petite pause musicale, et donc c'est vous qui nous avez ramené la musique, hein, justement. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait écouté en premier. Alors, le premier morceau, c'était Oulali Project. C'était un groupe de femmes de différentes nations autochtones, mais qui est avec une personne qui s'appelle Pourafé, qui est une Tuscarora. Et qui, c'est un groupe. Et le morceau s'appelait I Don't Know More. On ne restera plus passif. C'était un des mots d'ordre qu'il y avait des communautés au Canada. Un gros mouvement, justement, où ils faisaient des actions directes dans les, voilà, en utilisant leur culture, etc., pour occuper la société et pour dire qu'ils en avaient assez de comment le Canada les traitait. Et on pourra parler plus longuement après sur la question du Canada, parce que, justement, là, on est vraiment sur un champ de bataille pour soutenir une communauté qui lutte aussi contre un holoduc. Et récemment, le Canada a envoyé sa police et l'armée pour déloger cette communauté, mais on reviendra après. Getting paid, but I quit, cause oil water I can't drink. Look down and see Kamimi La die in the mud. I looked up and told myself that enough's enough. Money does not own my soul, living comfortable. It's not in my plans, my hands in the sand. Some things worth more than gold. Some things they can't be sold. Some things can't be replaced. She is your mother, the fresh water is her veins. Going on, have we all lost our minds? Every human needs clean water to survive. We're sorry, your call cannot be called. Martin County Sheriff's Department. Hi, I need to report an assault. Okay, where did it occur at? Standing Rock. There are innocent, unarmed people being attacked with water and militia-style police firing at point-blank range with high-powered mace on unarmed people. Who protects the people? Ma'am, yeah, if there's police there, then it has to be. The police are the ones attacking innocent, unarmed people. So what do we do to stop the police literally hitting people at point blank range in the face? People can lose eyes. People are going to get hypothermia. People could die. We have elders here. We have children here. We have all ages here. Nobody is armed except for the police. Who protects the people from the police? Well, I guess if you want to put it up the chain of command, the next person to talk to would be the governor's office. Love is the strongest, this path is the hardest. But if we were strong enough to do it, we wouldn't see it. Our prayers would not be needed, this movement's very needed. Indigenous wisdom unheeded and sacred things depleted. I'm Mexicano, Malacota, and I'm white too. I'm mixed with everyone, so part of me's just like you. Every group of human beings shares the same stars. And if the earth is not your mother, are you from Mars? Since 1492. Hey! 500 years and counting, surviving the genocide they call colonizing my turtle island. What is a fossil fuel? Continued destruction, nothing new. Living a system, taking our children, shipping their feelings till nothing's true. I had that money in front of me, but I left it. Cause oil money's dirty if my mother gets disrespected. We're disconnected, these times are hectic and feeling heavy. But still we love all living beings and suffer for the many. We are peaceful people, that's why we walk with prayer. And if that wasn't true, we wouldn't be standing here. We're peaceful people, we walk with prayer. Turtle Island, have no fear. Despite what they show in the media, we're kind people. 6.3 FPP, la jungle des luttes, programme proposé tous les troisièmes lundis du mois en direct de 19h à 20h30 et retransmis le quatrième jeudi du mois, le matin de 8h à 9h30. Merci de nous écouter. Vous pouvez donc, pour ceux qui nous quitteraient avant la fin de l'émission, nous rejoindre le CSPCL. On a une assemblée ouverte le 1er, 3e et 5e mercredi du mois à 20h30, rue des Vignoles, dans les locaux de la CNT. On en profite pour remercier la CNT de nous y accueillir. Et on remercie ce soir le CSIA d'être avec nous pour partager ses résistances et en profiter pour nous donner un petit panorama de ce qui se passe en Amérique, dans les Amériques. Et donc, merci. Et d'ailleurs, peut-être que tu peux nous dire, parce que souvent on ne le fait pas, quel est ce morceau de musique qu'on a écouté ? Alors, ce morceau s'appelle Black Snake Killer, donc les tueurs de serpents noirs. C'est un morceau prolifique de The Rapper, qui est un rappeur Oglala et Chicano, et qui est en collaboration avec un groupe qui s'appelle Tribe Called Red, qui vont bientôt jouer au Hasard Ludique en février prochain. Donc si vous regardez un petit peu sur les moteurs de recherche, c'est vraiment un groupe à découvrir. Redonne-le, du coup. A Tribe Called Red, une tribu appelée Rouge. Et ce morceau, il a été fait par Prolific the Rapper, qui était, comme toute cette nouvelle génération autochtone militante, utilise à la fois le rap, la musique, les arts, etc., dans leur forme de résistance, mais le mettent aussi en pratique sur les ondes de FPP. Vous avez entendu à de nombreuses reprises des rappeurs comme Nathan Emmins, Too Far One, etc., qui sont venus dans différentes émissions sur FPP. Et ce sont des rappeurs qui étaient tous dans les campements de résistance à Standing Rock contre ces serpents noirs, donc les oléoducs, parce que les autochtones appellent ça, ils ont des prophéties qui disent que des serpents noirs allaient venir pour détruire le monde, et pour eux, c'est pour ça qu'il y a aussi une façon d'exprimer dans leur culture leur résistance. Et Prolific the Rapper, comme Too Far One, comme Natahani, Too Far One avait été blessé par une balle en caoutchouc dans la jambe pendant Standing Rock. Nathan avait été arrêté, il avait été relaxé. Il y avait Witko, qui est un autre rappeur qui avait fait une tournée de Decolonize America que l'on avait co-organisée avec le CSIA, justement pour promouvoir cette résistance sur la défense de l'eau et puis la lutte contre ces projets mortifères. Witko avait été arrêté aussi pendant ses actions, et Prolific the Rapper aussi avait été sur place et s'était fait arrêter lui aussi. Donc voilà, il lie à la fois leur chant, leur résistance, leur mots, mais ils sont aussi dans la pratique. Et actuellement, nos camarades et cette jeune génération sont toujours en fait, même s'ils ont perdu à Standing Rock, parce que les États-Unis ont utilisé les mêmes méthodes qu'ils utilisent en Irak, au Koweït, en Afghanistan, partout où il y a des intérêts sur les énergies fossiles, où ils envoient l'armée, ça avait été la même chose pour détruire les camps. C'était l'armée américaine et la police qui étaient venues et qui avaient donc détruit ces campements petit à petit. Mais les communautés autochtones, malgré cet échec qu'il y a eu à Standing Rock, bien qu'il y ait eu, comme l'a dit Henri, plus de 200 tribus, nations qui se sont mobilisées, que même le Congrès national indigène au Mexique, donc proche des Apatistes, avait déclaré mais que le Standing Rock était une terre zapatiste, une terre à défendre. Malgré cette défaite... ils ont eu une première victoire, disons. Voilà, aussi. Une première victoire, puisque cette nouvelle génération... Ils avaient quand même réussi à interrompre le projet, un peu comme Atenco. Enfin, tu as une première victoire et en même temps, ça te permet de te souder aussi. C'est-à-dire, le fait d'avoir connu une première victoire, ça te permet de... Mais ça a inspiré ça a inspiré de nombreuses communautés, justement, pour ne pas accepter les autres projets d'oléoduc, de pipelines. Aurélie a parlé tout à l'heure de Trans Mountain, donc au Canada, où en fait c'est un projet d'oléoduc qui va de l'Alberta, donc le centre du Canada, où on détruit des territoires mais énormes pour puisqu'ils traitent le pétrole en tant que c'est les sables bitumineux. C'est en fait c'est le pétrole qui est pris dans le sable, donc il faut encore plus profondément, donc faire des trucs beaucoup d'énergie, c'est du pétrole lourd, donc c'est du pétrole sale, enfin c'est vraiment assez affreux, et c'est bien sûr c'est pris sur des terres autochtones des nations Cree et Dene, et ce pétrole il y a ce pipeline qui doit partir vers l'ouest pour aller jusqu'en Colombie-Britannique où un terminal pour que des bateaux viennent les prendre pour l'exporter, etc. Et ça va encore sur des terres autochtones. Oui. Et bien sûr, là, il y a une mobilisation. Il y a eu donc Canaïus Manuel qui est venu lors des journées d'octobre avec le CSIA qui était elle aussi à Standing Rock, qui a elle aussi été interpellée à Standing Rock. Ils ont complètement redéfini leur stratégie. Ils sont toujours sur un projet. C'est Tiny Wire Houses. C'est des petites maisons mobiles qui sont déplacées sur les lieux du projet pour bloquer le projet, etc. Ils ont eu une victoire judiciaire contre le gouvernement canadien récemment, en disant qu'il y a des juges qui ont reconnu qu'il n'y avait pas eu de consentement de la communauté pour que le projet passe sur leur terre. Ce qui a donc bloqué le projet pour l'instant. Pour la petite histoire, Société Générale finance ce projet. Et une partie de cet oléoduc doit être construit par Vinci. Donc Vinci qu'on avait à Notre-Dame-des-Landes, etc. Enfin, voilà, donc la défense des terres et territoires et des zones à défendre, elles sont universelles. Et en fait, le gouvernement canadien, pour pouvoir sauver ce serpent noir qui est Trans Mountain, en fait, a mis des millions de dollars canadiens pour sauver ce projet. Et c'est le gouvernement de Trudeau, donc qui est le premier ministre canadien, qui est soi-disant était un peu le Macron du Canada, celui qui défend le climat, celui qui, enfin voilà, un peu de tout, voilà, enfin un peu. Et en fait ce sont, comme on sait, les mots des gouvernants, c'est de la foutaise, et c'est l'intérêt capitaliste, c'est l'argent qui les intéresse, et c'est ce qu'on voit avec Trudeau, puisque il a mis le climat, il en parle quand c'est des beaux mots ou des papiers à signer, mais quand c'est des intérêts financiers pour le Canada, il met le paquet. Donc je parle de ça parce que ça c'est lié justement à cette actualité, c'est que en Colombie-Britannique, il n'y a pas eu de traité entre les communautés autochtones et le Canada, comme on peut voir sur d'autres parties. Donc, ça veut dire que leurs territoires n'ont jamais été cédés. Donc juridiquement, il y a quelque chose qui reconnaît leurs droits inhérents, leurs droits antérieurs. Et donc, c'est la base. Et donc, il y a des choses qui sont mises en place dans le droit. C'est que normalement, tout projet doit être qu'il y ait un consentement libre et éclairé sur les projets. Et ce qu'on peut voir, c'est que chez la communauté de Canaïus Manuel, il n'y a pas eu de consentement. enfin sur Trans Mountain. Vraiment, ils le disent, ils l'affirment. Enfin, il y a des artistes qui font des grands posters, des affiches, etc. Magnifiques. Ils n'ont pas été consultés non plus, ou non. Ça n'a pas été accepté, c'est ni consulté ni accepte pas de toute façon. Ils n'ont pas été consultés, ils n'ont jamais donné leur consentement. Et il y avait sur un autre pipeline, donc celui de Trans Mountain est actuellement gelé sur cette histoire judiciaire et on va voir ce que ça va donner, malgré effectivement cet argent qui a été mis par le gouvernement canadien pour pas qu'il périclite en fait. Et il y avait une autre lutte qui était donc un peu plus au nord sur un autre oléoduc qui est beaucoup plus ancien, mais qui lui est lié à l'exploitation des gaz de schiste. C'est aussi en Colombie-Britannique. Alors, c'est la nation Wet'suwet'en qui c'est sur leur territoire. Et depuis maintenant plus de 10 ans, ils ont ils bloquent un pont et ils refusaient jusqu'à maintenant que ça soit la police ou les gens de la compagnie qui voulaient construire cet oléoduc puissent passer. Donc voilà, donc il y a eu des histoires où ils sont venus en hélicoptère. Enfin, ouais, il y a une résistance vraiment. Et un peu autour de ce pont, en fait, c'est créé au début une petite maison d'une famille pour que les gens puissent garder le pont. C'était une petite maison en rondin qu'ils ont fait. Et donc il y avait des familles et les gens de la communauté qui tournaient justement pour que 24 heures sur 24, il y ait des gens qui soient là, si la police ou la les compagnie essaie de venir. Et après, ils ont développé d'autres projets, un projet de réhabilitation pour les jeunes contre l'alcoolisme et la drogue, justement en utilisant la tradition, un centre pour accueillir des étrangers pour connaître la culture. Enfin, ils ont développé des petits modules un peu à la Zapatiste, à créer sur leur territoire des choses justement pour en dur, pour affirmer leur présence, etc. Et la défense de leur terre et territoire. Et alors, je ne sais pas si c'est une cause de... Enfin, un lien entre ce qui s'est passé avec Trans Mountain, mais en tout cas, alors que tout était gelé, qu'il y avait une jurisprudence qui reconnaissait leurs droits ancestraux et inhérents sur leur territoire, il y a une semaine et demie, je pense, c'est ça ? Il y a 10 jours environ, le gouvernement canadien a envoyé donc sa police et son armée pour détruire donc une barricade qui était un peu plus au nord et dernièrement donc le camp Unistoten qui justement pour libérer ce pont et que la compagnie puisse commencer à construire voilà, ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, à justement cette mobilisation qu'il y a contre les serpents noirs qui s'est créée depuis Standing Rock, le Canada et même au niveau international, en fait, il y a une mobilisation des communautés autochtones très très forte pour soutenir Unistoten et notamment lors des célébrations des 25 ans donc du soulèvement zapatiste qui a été fait par le CSPCL et puis d'autres comités dimanche dernier, il y a eu effectivement aussi une mobilisation et puis une photo de solidarité qui s'est faite au 33 rue des Vignoles, justement pour montrer que ce qu'appellent les zapatistes, ce que font les autochtones au Chili, ce qu'on voit en Guyane, cette répression qu'il y a au Canada, les luttes, elles ne sont pas éparpillées, elles sont sur la même stratégie de la défense des terres et territoires. Et donc, il y a un adage anarcho-syndicaliste qui dit un coup contre l'un ou l'une contre nous et un coup contre tous. C'est à peu près la même chose pour les peuples autochtones. Maintenant, c'est dès qu'il y a un territoire qui est attaqué, on peut voir des solidarités à travers tout le pays attaché, ou même pratiquement sur tout le continent et plus largement encore. Pour rebondir peut-être sur... sur le Canada et faire le lien avec la Guyane, c'est que le projet Montagne d'Or, en fait, il est porté par une société russe et canadienne, donc qui ont donc des intérêts directs à piller les territoires ancestraux des peuples autochtones de Guyane. Et en fait, donc en Guyane, il y a aussi une résistance très très forte à l'heure actuelle contre ce projet Montagne d'Or, donc, comme l'a dit Sylvain, à travers le mouvement Jeunesse Autochtone de Guyane. Et ce qui est intéressant de constater aussi à travers toutes ces luttes, c'est la place croissante qu'occupe l'art et la culture, parce que donc déjà à Standing Rock, donc, il y avait eu plein d'artistes qui s'étaient mobilisés, des dessins qui avaient été portés par les protestants, etc., et qui se retrouvent maintenant, donc aussi ce sont les mêmes artistes qui se mobilisent, donc, dans le camp, pour le camp de Nistoten, etc., pour la communauté de Canaüs Manuel également. Et donc en Guyane, donc on avait deux Guyanes, on avait eu la chance de recevoir Clarisse Da Silva l'année dernière, donc de son nom d'artiste Tolewali, qui est Kalinia. Et donc elle est toute jeune, elle a 19 ans, elle fait partie de la JAG. Et donc elle nous parlait à la fois de ce qui l'a conduite à s'investir dans la JAG, mais aussi comment elle militait à travers son art. Ça s'est vu aussi à travers l'art de Yann Kayamare, un artiste aussi autochtone de Guyane, Kalinia. Donc il parlait de tout ça, de la violation des terres, de l'importance des traditions pour lesquelles ils se battent, pour donc tout ça à travers l'art. Et c'est vraiment ce qu'on voit aussi, c'est que finalement les protestations, elles se font à la fois sur le terrain, mais aussi elles pénètrent d'autres champs de plus en plus depuis 10 dernières années. Et on voit ça aussi dans les manifestations là-bas, etc. Oui, ça fait écho aussi à ce que les apatistes ont fait quand ils ont fait le festival Comparte. C'est qu'effectivement, cet festival qui était dédié à l'art et à la culture en tant qu'outil de résistance. Ben, sous toutes ses formes. Et on peut voir vraiment des échos, des choses je pense que les apatistes ont toujours été assez en avance pour analyser ces choses. Et notamment, tout à l'heure, on parlait de la place de cette jeunesse, mais aussi de la place aussi des femmes autochtones dans la lutte. Et les apatistes aussi ont fait donc récemment cette rencontre sur les femmes, de cette rencontre internationale des femmes qui luttent. Et c'est un peu toutes ces synergies dont on parlait au début sur la question de décoloniser le monde par tous les moyens possibles, et notamment en détruisant les outils du capitalisme, qui est le patriarcat, l'exploitation effrénée de la terre et des ressources. Et des gens. On se fait une petite pause musicale et on finit ensuite en... On continuera avec les apatistes aussi. Au fur et à mesure, on avancera de plus en plus. He was to become the keeper of the drum and to make sure that drum would continue to beat and continue to sing and to give strength to the people. The drum is the heartbeat of the people. If that drum is not kept singing, then our people would die. Whisper tales of where the laughter was lost from the disease, famine, and the massacres they after us all. That spirit's still around. Our heart pounds the sounds of the drum that express belief. The message breathes after we gone. They praise, they fight, tie. There had to be love. So the day that we forget them when we actually done. Some become sad and numb from the tragedies of losing family. What's happening? It has to be stopped. The answer is love. The same they felt and held in their hearts. The same love they couldn't stop while they tried. try to kill us all. The love they carry deep inside, we carry in through life, is the love that's resurrected with every sacrifice. In the spirit of our people, heart staked to the ground. For those who pray to send the being, we pray for you now. We feel your tears rain upon us and showers from the clouds. Prayers rumble in the thunder, giving power to us now. Shaking the ground, the cities crumble, fall down. Return to humbleness now. These times to find design, but the criminal minds resist until we rise to the abyss of the system lies. The truth has been confined, disputed, the compromise polluted our people's minds. And the spirit has cleared the rise of the cries from generations of the present, the past, and the lies. The situation in the future will not last for them. The souls are grateful, taking more than they need. And hateful ways that they breathe shall soon cease to exist. And we'll be back to the ways that raise that light in every soul. Back in the days when everybody mattered, from the young to the old, we hold them close to our hearts. We pray for them in the dark, for those that chose to give their hopes to spirits, ghosts, love and all of our relations. We meditate for generations to come in the manifestation of creation, soul, purpose and love. We the people, the prayers, survive the evil of theirs. We still hear through spirit ceremony and long hair. There's a rhythm that the earth is going through. If we sit in our quiet moments and reflect, we can feel that rhythm. We can talk about that rhythm. It's there. All of us can be a part of that. This drum, this heartbeat of the earth. Émission proposée tous les troisièmes lundis du mois en direct. Et donc voilà, c'est SIA, c'est spécial. On est là avec vous ce soir. Et donc, Jungle des luttes, c'est aussi l'idée de créer des ponts entre les luttes. C'est un peu ce que le comité essaye de faire, de pouvoir faire en sorte que des luttes connaissent la lutte des autres compas qui sont peut-être plus loin ou pas tant que ça. Et donc, justement, là, on était en train de, avant la pause musicale, de parler justement de cette synergie, de cette, ces liens qui sont en train de se tisser entre tous les peuples indigènes qui, du coup, savent que d'autres peuples sont en train de résister et donc défendent tous à leur façon, peut-être avec des langues différentes, des cultures, des coutumes, des rites un peu différents, mais en tous les cas, tous ont en partage cette idée que là où on vit, la terre, c'est plus qu'un territoire, c'est terre-mer et donc c'est l'essence même de la vie et donc c'est à préserver et c'est cette rencontre qu'on fait, nous, en tant que comité de solidarité, le CSIA, des choses importantes dont on peut essayer nous aussi de s'inspirer puisque eux entre eux s'inspirent des luttes que mènent les autres, se solidarisent les uns entre eux, les autres. Nous aussi on peut essayer de s'inspirer, c'est ce qu'on essaye de faire, d'essayer de à notre façon, peut-être encore très très loin, mais c'est ça qui est important, d'essayer de voir aussi justement cette récupération de la culture qui est pas, qui a été aussi marchandisée, qui l'est encore avec des... Voilà, on peut aussi penser à la culture comme quelque chose de fondateur et fondamental dans notre vie, ce qui parfois n'est pas juste du divertissement, en fait. Même si ça fait partie très importante, la partie de l'idée de se divertir et de prendre du plaisir et de s'échapper, mais justement d'échapper à peut-être ce qui nous empêche, ce qui nous contraint et d'avancer. On parlait du comparté et donc justement de tous ces groupes qui se sont mobilisés. Et du coup, le groupe qu'on a entendu, c'était peut-être un groupe qui s'était mobilisé ou pas du tout. C'était peut-être plutôt un chant autochtone. Alors, si c'est un groupe qui est de hip-hop qui est très, très militant. Normalement, ils font du hip-hop un peu plus traditionnel. Mais avec Aurélie, on aime beaucoup ce morceau parce qu'il lie justement à la fois le tambour traditionnel et le hip-hop. Et en plus, le début, c'est des chants qui sont... Enfin, des chants de femmes, justement, des communautés autochtones qui sont de la côte nord-ouest. Donc, ça faisait écho, effectivement, avec tout ce que l'on a dit. Et eux aussi sont dans la lutte. Ils étaient à Standing Rock. Ils sont aussi mobilisés un peu sur toutes les luttes. Pour les hip-hop autochtones, il y a très peu de, en tout cas pour les artistes autochtones, l'histoire, c'est pas le profit. Justement, ils utilisent vraiment leur message artistique comme outil. Et je pense que Aurélie, tu pourras en parler un peu plus sur l'art et puis comme en tant qu'outil de résistance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'utilisent à la fois sur le terrain et aussi dans l'espace des musées, des galeries, etc., dans les manifestations. Enfin, c'est vrai que depuis les années 60, fin des années 60, mais donc ils ont, à ce moment-là, donc il y a deux événements majeurs. Il y a l'occupation d'Alcatraz, donc l'ancienne prison, et parce qu'en fait, ce territoire n'était plus utilisé par le gouvernement états-unien. Du coup, il y a plusieurs communautés autochtones qui décident de se mobiliser pour récupérer leurs terres, et entre autres par l'art, puisqu'ils avaient pour projet de créer un musée là-bas. Donc c'est déjà des revendications portées à travers l'art qui datent de plus de 40 ans. Mais donc, pour en venir aux luttes actuelles, c'est par exemple à Standing Rock, il y avait une tente dédiée à l'art où ils faisaient énormément de sérigraphies, et donc qui étaient portées ensuite sur les vêtements, etc., pendant les manifestations. Et donc, il y a des artistes comme Christy Belcourt, Isaac Murdoch, qui sont Anishinaabe, du Canada, tous les deux, qui portent vraiment ces revendications à travers leur pratique artistique. Et donc, ça se retrouve encore aujourd'hui dans la mobilisation du camp Unistoten, contre ce que met en place le gouvernement Trudeau. Et on a encore donc, ces mêmes artistes qui ont créé, là, par exemple, les affiches qui ont été mises en avant pendant la journée là, du 13 janvier, c'était des dessins qui avaient été faits donc, par Christy Belcourt. Et donc voilà, donc c'est vraiment très, très prégnant là, à l'heure actuelle dans la mobilisation contre ces projets extractivistes. Et encore une fois, c'est assez incroyable de voir à quel point les femmes sont sur le devant de ces conflits, sont à la fois donc, sur le terrain et aussi à travers l'art. Et donc, on peut encore faire le lien avec la Guyane, puisque Clarisse, voilà, enfin, c'est une jeune femme qui est très militante et en même temps très investie dans sa pratique artistique. Et voilà. Mais ouais, effectivement, on peut voir toutes ces formes de résistance, elles se nourrissent l'une l'autre. Et pour peut-être terminer, on peut justement se rappeler de certains moments justement dans l'histoire zapatiste et quelle a été cette solidarité autochtone, que ça soit quand il y a eu le soulèvement armé donc il y a 25 ans, une des premières délégations internationales, c'était une délégation de peuples autochtones qui venaient à la fois d'Amérique du Nord mais aussi d'Amérique du Sud, qui était venu pour essayer justement de négocier la paix, en tout cas de créer les conditions de donc il y avait déjà cette mobilisation aux côtés des apatistes. Il y a eu de nombreuses caravanes qui sont parties de Californie, organisées notamment par l'American Indian Movement, donc le mouvement indien américain qui est fondé dans les années 70, dont un des dirigeants est toujours incarcéré aujourd'hui, Léonard Peltier, pour celles et ceux qui connaissent le nom de ce prisonnier politique. les apatistes également, pour le, si on parle de Léonard Peltier, bon, on fait plusieurs communiqués demandant donc sa libération, et notamment une très très belle lettre qui avait été lue donc à Washington en 2000, qui avait été donc ramenée par le mouvement de Chicano, qui voilà, parce que la commandance avait donné cette lettre spécifiquement pour Léonard Peltier. Donc voilà, toutes ces synergies, elles sont là. Canaüs Manuel, dont on parlait tout à l'heure au Canada, a été reçu plusieurs fois par la commandance zapatiste. Elle a participé notamment aux rencontres de Vicam, donc cette dynamique qui avait été lancée par les zapatistes et le Congrès national indigène. Congrès national indigène qui maintenant prend de plus en plus de place, parce que notre analyse, c'est que les zapatistes veulent mettre justement une destruction du Mexique en reconstruisant par sa base, donc qui sont les peuples autochtones, et avec justement les peuples autochtones sont, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens qui garantissent le respect de la terre et des territoires. Donc on revient un petit peu à la campagne Terre et Territoire que les zapatistes avaient lancée il y a longtemps, notamment avec Juan Chavez, qui était donc un des conseillers de l'OZLN, mais un des fondateurs de... Enfin, une des premières personnes qui était au Congrès national indigène. Porteur de la parole. La dynamique, quoi. Ouais. Et voilà, en fait, comme on dit, l'ennemi, c'est l'ennemi commun, c'est le capitalisme, et donc c'est ces sociétés, ces gouvernants qui veulent imposer leur projet, leur monde, leur vision du monde. Et cette résistance, ça se fait par les communautés autochtones sur une autre base. On peut reciter le terme décolonial. Il y a besoin d'avoir une transformation du monde décolonial en détruisant justement tout ce qui nous a servi, et c'est à nous d'apprendre de ces communautés et de ces passerelles qui se font comme les passerelles qui ont été faites contre l'aéroport d'Atenco, et puis donc ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, comme on l'a dit tout à l'heure, Vinci qui est impliqué dans ce pipeline au Canada, enfin voilà, nos camarades au Canada nous disent, est-ce qu'on peut faire des actions contre Vinci? Et tout à l'heure, on parlait du concept de consentement libre et éclairé qui doit être fait sur les peuples, par les peuples autochtones. Et on a vu que le nouveau président, soi-disant de gauche au Mexique, pour faire avancer son méga projet, le train Maya, a fait une espèce de parodie du consentement. Il a été même jusqu'à demander à la terre mère d'accepter son projet, ce qui est complètement ridicule et qui a choqué, en tout cas, différents camarades du comité nous ont expliqué que même au Mexique, ça a été très mal pris par de nombreuses personnes, justement, de cette moquerie d'identité, etc. On y reviendra tout à l'heure. Et en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte aussi, c'est que pour les peuples autochtones, ils ne veulent plus respecter le concept de frontière qu'on leur a imposé. En tout cas, c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans les Amériques, que ce soit au Mexique, on l'a vu avec la caravane des migrants quand elle est montée, ou en tout cas la lutte qu'il y a actuellement contre le mur qui est construit par Trump. En tout cas, en ce moment, il y a vraiment quelque chose où ils veulent rejeter aussi le concept de frontière imposé par la colonisation, et justement pour recréer ces solidarités et ces résistances. Et le concept qu'on a pu voir à Standing Rock avec les Water Protectors, les protecteurs de l'eau, on peut le voir aussi avec les prisonniers de Tlanishko, puisque ce sont des gens d'une communauté qui luttait aussi pour l'eau. Et on le peut le voir aussi avec les Mapuches au Chili. Ou avec les Yaquis, effectivement, avec les prisonniers Yaquis. Enfin voilà, la lutte, elle est, en tout cas pour les peuples autochtones, elle a plus de frontières. Et elle n'est plus non plus enfermée dans un carcan identitaire. Elle est vraiment ouverte sur des synergies globales, et en prenant en compte qu'il faut changer le système et vraiment à la base. Et un peu pour revenir un petit peu quelque chose on a parlé de ce pipeline donc avec Canaüs Manuel, donc qui était donc proche des apatistes, etc. Qui elle au Canada, qui lutte contre Trans Mountain de la compagnie Trans Canada. Trans-Canada, c'est la même compagnie qui construit des oléoducs au Mexique, notamment sur des terres indigènes. Et il y avait eu notamment une communauté qui avait déterré une partie de l'oléoduc en construction, etc., comme un acte de résistance. Et voilà, donc en tout cas, avec le CSIA, on essaye de créer ces passerelles et on essaye, en tout cas, nous, modestement, puisque on n'est pas des spécialistes, etc., on veut être juste des traits d'union entre ces luttes et essayer de créer ces ponts, ces passerelles. On essaye notamment chaque octobre de faire rencontrer aussi ces luttes à Paris, où des représentants et représentantes autochtones viennent pour parler un peu de l'actualité de la résistance. En général, c'est assez riche d'ailleurs, votre programme. Et justement, on essaye d'avoir des Mapuches qui rencontrent, des Kanaks, des autochtones du Canada qui essayent de rencontrer, qui rencontrent des gens Kalinia. Du Mexique ou des Kalinia. Enfin voilà, donc pour nous, le but de notre travail, c'est de créer ces synergies et justement le CSIA depuis 94 soutient le mouvement zapatiste et on continuera puisqu'effectivement avec le CSPCL et avec d'autres comités, comme on l'a dit le 13 janvier dernier, donc au 33 rue des Vignoles, la lutte, elle est devant nous et en fait, c'est à nous de faire ces assemblées et effectivement, tout est encore à faire. Peut-être que tu peux donner des coordonnées pour le CSIA s'il y a des gens qui veulent vous retrouver. Vous avez un site, les gens peuvent adhérer à la lettre de Nita Sinan ou comment. Peut-être que vous pouvez. Alors, juste pour dire un petit mot, rejoignez-nous. Rejoignez-nous parce qu'on a. On est une toute petite asso, on n'a pas beaucoup de bénévoles actifs, donc on est une petite dizaine à vraiment travailler sur toutes ces questions. Donc on a besoin de personnes pour nous aider à tenir les tables de presse, à faire des traductions, etc., que ce soit anglais, espagnol. Et aussi, donc voilà, et je voulais rajouter quelque chose et je ne m'en rappelle plus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les contacts. Alors, ils te rejoignent où, justement ? Ils font comment ? Ils tapent CSIA ? Donc, on a un site internet. Donc, c'est www.csia-nitasinan.org. Donc, je vais peut-être répéter www.csia-nitasinan.org. Et on est au 21 Terre rue Voltaire, donc dans le 11e arrondissement de Paris. Et on a une réunion mensuelle tous les premiers jeudis du mois. Voilà. À quelle heure, du coup ? 19h. Et si vous pouvez aussi nous rejoindre dans la rue, puisque le 6 février prochain, c'est une journée internationale de solidarité avec Léonard Peltier, donc ce prisonnier politique donc aux États-Unis qui a été condamné à deux peines à vie consécutives donc pour avoir défendu terre et territoire, et son peuple en tout cas. Léonard va rentrer donc dans sa 44e année d'incarcération. Actuellement, on demande son transfert pour qu'il, comme il est vraiment âgé maintenant, on demande qu'il soit rapproché de sa famille et des siens, puisque actuellement il est en Floride et à plus de 3000 kilomètres, que ce soit de ses avocats ou de sa famille, ou même vraiment de l'endroit d'où il vient. Donc là, c'est la campagne, c'est pour essayer de le faire rapprocher pour briser l'isolement. Et donc, on sera donc le mercredi 6 février de 18h à 20h, non loin de l'ambassade des États-Unis, à l'angle du jardin des Tuileries et de la rue de Rivoli. Et donc, si vous voulez venir vous exprimer votre solidarité avec Léonard Peltier, mais aussi avec d'autres prisonniers politiques aux États-Unis, comme Mumia Abou-Jamal, qui, on l'espère, va obtenir un nouveau procès prochainement, mais aussi avec toutes celles et ceux qui ont lutté à Standing Rock et qui sont actuellement dans des pénitenciers fédéraux. On peut parler de Little Feather, de Red Fawn, je me souviens plus son nom, Ortiz. Il y a quatre autochtones qui sont incarcérés pour plusieurs années justement pour lutter contre ces serpents noirs. Et on le rappelle,

cette année le 25e anniversaire du soulèvement zapatiste. Et donc, comme bien souvent, les zapatistes étonnent, surprennent et en même temps montrent leur grand esprit d'analyse sur la situation, le monde, sur ce qu'ils sont en train de vivre, sur comment ils peuvent cheminer. Ils prennent aussi le temps de réfléchir, de penser, de rencontrer, de discuter, de proposer. Et donc là, pour, ben voilà, ils avaient invité les gens, tous ceux qui voulaient se joindre et partager ce moment avec eux, à se joindre donc au Chiapas, au Mexique. Et donc pour ce soulèvement armé, pour ceux qui ne connaissent pas les zapatistes, on pourrait dire que ça a été surtout très rapidement un soulèvement des peuples indigènes et notamment donc des zapatistes et de la possibilité de faire autre chose autrement avec toutes les personnes qui au Mexique veulent se mobiliser. Et donc ils ont tiré ils ont fait plein de propositions, ils ont appelé le monde entier à se soulever. Donc comme le disait Sylvain, les zapatistes ont inspiré énormément de gens, de groupes, de collectifs, et ils continuent encore. Et donc ils ont dressé un bilan qui donc est plutôt surprenant, et en même temps, quand on l'analyse, on comprend qu'il parle d'une situation telle qu'elle est aujourd'hui, peut-être tout à fait spécifique. Du coup, peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas si on veut... On peut revenir aussi sur ce qui s'est passé les derniers temps, un peu... Oui. J'ai pas de route. Mais ouais, voilà, simplement peut-être rappeler que ça fait quoi ? Ça fait... un an et demi, deux ans que y avait cette proposition des zapatistes y avait cette proposition un peu de renforcer le Congrès national indigène et au-delà de créer un peu ce qui s'appelle aujourd'hui le Conseil indigène de gouvernement, qui a été une proposition un peu qui a été lancée dans le contexte de la dernière campagne présidentielle au Mexique, mais qui, dès sa base, en fait, disait clairement que ce n'était pas tant une proposition électorale que l'idée de faire créer un mouvement par en bas, en bas à gauche, et principalement partir à partir de la base des communautés et donc à partir du CNI. Et donc il y avait toute une série de mobilisations qui avaient lieu par rapport à ça, et normalement pour ce 25e anniversaire, ça devait être aussi une réunion importante du CNI sur lequel on savait pas beaucoup là où ils en étaient, qu'est-ce que ça allait donner. Donc il y avait un peu l'expectative, un peu il y avait une convocation qui avait été envoyée à la fois aux gens de la Sexta, aux gens de ce qu'ils appelaient les réseaux de résistance et rébellion internationaux, et aux communautés indigènes donc du CNI à venir en territoire zapatiste à la fois pour 3-4 jours de discussion donc du 27 au 30 je crois, et à participer à donc aux célébrations pour le 25e anniversaire du soulèvement, donc à la Realidad, l'un des 5 caracoles zapatistes, en mémoire, en hommage à un sous-commandant de l'armée zapatiste qui est mort au combat le 1er janvier 1994, qui était important, très important à l'époque, qui s'appelait le sous-commandant Pedro. Il n'y avait pas que Marcos à cette époque-là. Au départ, ils étaient deux. Et du coup, c'est ce qui a donné d'ailleurs le fameux le nom de la commune autonome de cet endroit, San Pedro de Michoacán, vu qu'il était originaire du Michoacán. Et donc, c'était notamment la personne qui a fait rentrer dans la lutte zapatiste à l'actuel porte-parole des zapatistes, qui est le sous-commandant Moïses, qui est l'actuel porte-parole des zapatistes. Donc il y avait tout ce contexte un peu. Et donc il y a eu le 1er janvier 2019, il y a eu une énorme mobilisation militaire, hein, on peut le dire comme ça, avec plusieurs milliers de miliciens zapatistes donc qui se sont réunis à ce caracol. dans une démonstration clairement militaire, on va dire, avec, enfin, sans armes à feu, mais avec un ordre quasiment martial, on va dire, avec des détachements de chevaux, etc. Un discours assez dur, assez fort, du sous-commandant Moïsès, du comité clandestin révolutionnaire indigène zapatiste et du conseil de bon gouvernement local, donc des autorités régionales de cette zone zapatiste, sans discours d'ailleurs du sous-commandant Galeano Marcos, simplement donc des paroles de personnes du comité indigène. Et je ne sais pas, on peut peut-être lire la version, entre guillemets, la version courte, parce qu'il y avait, plusieurs prises de parole. Donc la plus longue et la plus dure, on va dire, a été celle du sous-commandant Moïsès, un peu sur la situation. Mais je trouve qu'elle est un peu résumée aussi dans les paroles du comité clandestin révolutionnaire indigène, donc la direction collégiale de l'armée zapatiste de libération nationale, donc le CCRI, ça doit être... Comité clandestin révolutionnaire indigène. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'ils doivent être, je ne sais plus, 70, 80, un truc comme ça. C'est, chaque région... C'est eux les commandants, en tous les cas. Voilà. Chaque région zapatiste, en fait, nomme ses commandants. Qui se réunissent donc à la fois au niveau de chaque zone et à la fois en assemblée générale, et donc c'est eux qui décident, c'est elles et eux qui décident des axes de la lutte ensuite que mettent en application et dont Moïsès etc. se fait le porte-parole actuel, qui décide avec les bases qui sont donc les communautés, les bases d'appui. Et juste parce que c'est ce qu'on appelle les communautés, c'est ce qu'ils appellent eux les bases d'appui. Nous, on dit souvent les communautés bases. Enfin, on parle plutôt des communautés, alors que. Ouais, voilà. Le vrai terme, c'est les bases d'appui. Toutes les communautés, c'est les bases d'appui. Ouais, voilà. C'est peut-être ce qu'ils appellent eux les bases d'appui. Quand on dit communauté, c'est plus pour insister sur la partie civile. Base d'appui, ça fait plus référence à l'organisation militaire, où effectivement, il y a trois. On va dire niveau d'engagement au sein de la structure entre guillemets militaire de l'EZLN, qui va être du coup les bases de soutien, les bases d'appui, qui du coup fournissent une solidarité matérielle avec le mouvement, les miliciens du coup qui sont préparés à l'autodéfense de leur communauté, et les insurgés qui sont beaucoup, organisés beaucoup moins dans nombreux, l'armée. Et donc eux en fait qui sont envoyés par les communautés qui sont permanents et peuvent se dédier aux activités armées de manière permanente, mais en réalité, c'est plus des gens qui vont faire un travail aussi au niveau de la radio, tourner aussi, donc à former d'autres. Ouais. Oui, voilà, les communautés envoient des gens se former, en général pour 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis ils reviennent ensuite. Et donc on parle de ça aussi, puisque justement, comme tu le disais au début, ils ont fait cette démonstration militaire, ce qu'ils font rarement, même si parfois, à certaines rencontres, ils ont fait des défilés militaires pour rappeler à tous que la guerre qu'ils ont déclarée le 1er janvier 1994 n'était pas achevée, qu'ils étaient toujours en guerre, même si le feu ne parle plus justement depuis le 12 janvier, et qu'il y a toute une autre phase qui est rentrée, ce qu'on peut appeler purement politique, et qui en même temps se construit toujours dans cette séquence qu'ils ont ouverte, qui est celle de la guerre, et qui donc qui est vouée à construire autre chose pour avoir une paix possible à un moment ou à un autre. Et donc ils sont dans cette construction, et donc ils ont rappelé aussi fortement, justement dans un contexte de violent du Mexique, qui est violent, aussi une façon de rappeler que eux aussi sont toujours organisés et prêts à se défendre. Voilà, du coup, avant de lire un peu, pour terminer, là, les paroles du 1er janvier 2019 du CCRI, aussi rappeler que c'est un contexte politique du coup, très particulier au Mexique, puisque depuis le 1er décembre dernier est arrivé au pouvoir Andrés Manuel López Obrador, qui est à la tête d'un parti qu'il a fondé il y a 6 ans, en 2012, qui s'appelle Morena. Et qui se revendique, on va dire, de la gauche électorale, même si, bah, évidemment, la gauche électorale au Mexique, c'est un peu comme le Parti socialiste en France, avec toute la corruption et toutes les fausses promesses que ça peut engager. Mais donc un contexte très particulier, parce que López Obrador s'est fait élire avec une très, très forte participation populaire en revendiquant le vote de 30 millions de Mexicains. Donc je lis du coup les paroles du comité clandestin révolutionnaire indigène pour le 1er janvier 2019, dédiées aux compañeros et compañeras bases d'appui, miliciens, miliciennes, insurgés, insurgés, compañeros du commandement officiel de l'armée zapatiste de libération nationale. Aujourd'hui, 1er janvier 2019, nous voulons faire connaître notre parole pour notre 25e anniversaire de notre soulèvement armé du 1er janvier 1994. Malgré toutes les attaques idéologiques, politiques, économiques et des menaces militaires et paramilitaires, nous voulons vous dire de nouveau que nous sommes là à développer l'autonomie pour la vie de nos peuples. Ici, dans les villages zapatistes, gouvernés par les conseils de bon gouvernement et les communes autonomes rebelles zapatistes, là où il n'y a pas place pour les humiliations, les manipulations, les tromperies, ni pour les mensonges ou les consultations déguisées. C'est pour cela que nous ne permettrons aucun projet détruisant la vie de l'humanité et entraînant la mort de notre terre-mère, car derrière tout cela, il y a les intérêts des grands capitalistes nationaux et internationaux. Ils auront beau tenter de nous humilier avec toutes leurs forces répressives, comme par exemple la garde nationale, nous ne cesserons pas de défendre notre terre-mère, parce qu'en elle, nous sommes nés, parce qu'en elle, nous vivons, et en elle, nous mourrons. Sur ces terres d'hommes et de femmes rebelles, vous devez savoir que nous ne nous rendons pas, nous ne nous vendons pas, nous ne céderons pas, et nous trahirons encore moins le sang, la vie et la mort de nos compañeros tombés au cours de notre lutte. Bien que vous consultiez 1 000 millions de gens, nous n'allons pas nous rendre. Ou même que vous demandiez la permission à votre putain de mère, nous n'allons pas céder. Depuis 1492 jusqu'à 2018, se sont écoulées 525 années de résistance et de rébellion contre les grandes humiliations étrangères et mexicaines. Et ils n'ont jamais pu nous exterminer. Nous, ceux de sang brun, couleur de la terre-mère, réitérons que nous sommes là et que nous continuerons à l'être. 1 000 millions d'années pourront s'écouler, les femmes zapatistes et les hommes zapatistes seront encore là. Comité clandestin révolutionnaire indigène, commandement général de l'armée zapatiste de libération nationale. Depuis le caracol de la Realidad, mère des caracoles, mère de nos rêves, Mexique, janvier 2019. Et donc, voilà, ça c'est fait à la fois, comme on disait, dans le contexte, un mois après l'élection de López Obrador, qui a annoncé directement, dès sa nomination et même un petit peu avant, d'énormes projets dans le sud-est du Mexique, justement, d'énormes projets capitalistes, mais de développement durable, entre guillemets, dont le principal et qui a fait le plus, qui a soulevé, on va dire, le plus la polémique et qui la soulève aujourd'hui, c'est le projet de Train Maya, donc un projet à plusieurs milliards d'euros qui devrait relier donc l'aéroport international de Cancun, qui est une énorme station touristique dégueulasse près de la Caraïbe, jusqu'aux ruines mayas de Palenque, donc au Chiapas, en passant par une trentaine de stations, donc avec l'idée de développer le tourisme en fait dans toute cette région, et donc avec un appel ouvert aux investisseurs internationaux, mexicains et internationaux, à venir investir là-dedans. Donc tout le monde est convié par López Obrador à se partager le gâteau, pas tant que de la construction du train, mais surtout de tout le développement touristique et immobilière qui va se faire. Et donc, voilà, pour lancer ce projet, il avait fait une cérémonie donc à Palenque, pas très loin du Caracol Zapatiste de Roberto Barrios, à quelques 15 kilomètres, où il avait fait une espèce de cérémonie en demandant la permission à la terre-mère de lancer ce méga projet. Voilà, donc, c'est en faisant comme les indigènes, ce que les indigènes font, c'est-à-dire qu'ils font une cérémonie pour demander à la terre, au moment de semer, au moment de, à tout moment où ils vont travailler la terre ou toucher la terre ou faire quelque chose, ils vont demander l'autorisation. Et donc, c'est quelque chose... c'est pas du folklore. Et donc, là, dans les mains de... Enfin, Lopez Obrador se permet, lui, de demander l'autorisation à la terre. C'est pour ça la petite référence « Demande à ta putain de mère », puisque dans la réalité, c'est qu'effectivement, a priori, la terre, c'est pas sa mère, il la respecte pas. Comme les indigènes peuvent le respecter, donc c'est une vraie humiliation. Aussi des peuples indigènes, du coup. Ah, c'était l'une des paroles... après, il y a un long discours de Moïse qui s'exprime un peu là-dessus, et notamment en disant mais il appelle son train Maya, à qui il a demandé le droit, pourquoi il l'a appelé comme ça, il avait qu'à l'appeler du nom de sa mère, et pourquoi il vient nous voler même notre nom pour construire sa merde. Et voilà, en disant clairement au moment de leur démonstration militaire que pour eux, il n'était pas question que ce projet passe, et que donc que l'espèce de consentement qui s'était fait autour de Lopez Obrador, voilà, c'était, même s'il y avait des millions de gens qui pouvaient être avec eux, il n'était pas question que ça se fasse sur la destruction du coup des peuples indigènes, sur la spoliation et sur le vol des terres des terres et la destruction des peuples, et du coup que eux en tout cas s'opposeraient même par les armes s'il le fallait. Donc une déclaration assez forte. C'est peut-être pas ce qu'ils ont dit, mais En tout cas ils ont dit clairement qu'ils résisteraient, qu'ils étaient prêts à résister à ces projets-là et qu'ils allaient pas céder. En tout cas, du coup, ça a provoqué toute une série de réactions, tant au Mexique qu'au niveau international aussi, parce que la parole très forte qui a été dite par Moïse aux milliers de miliciens zapatistes qui étaient présents à ce moment-là, et donc à tous les gens qui ont écouté ce discours, c'était de dire « Nous, les zapatistes, on est seuls, on peut compter sur personne, mais même si on est seuls, on résistera jusqu'au bout, quoi. » Et donc, suite à ça, ils ont répété que malgré toutes les déclarations, malgré toutes les explications qu'ils avaient essayé de faire au Mexique et au niveau mondial sur un peu le monde actuel, etc., ils avaient l'impression d'être un peu seuls dans cette lutte de résistance, en tout cas par rapport à Lopez Obrador et à ses projets. Ça a provoqué toute une série de réactions aussi, de dire y a quand même de la solidarité et tout le monde n'est pas dupe par rapport à cet écran de fumée qui est en train de se faire, notamment à Paris. Là, je pense qu'il y a une réunion le 13 janvier au Vignol, où il y avait une grosse participation. Et du coup, dans cette réunion-là, il y a eu l'idée de lancer toute une série de relancer un peu les mobilisations. L'Assemblée des luttes, qui avait été un petit peu l'origine aussi du CSPCL, ce qui avait été aussi mis en place quand il y avait eu la mobilisation par rapport à Oaxaca, les communes de Oaxaca, où il y avait eu un vrai soulèvement, où il y avait eu des assemblées des luttes, où on peut se remobiliser un peu pour construire autrement, ici aussi en France, par rapport à tout ce qui peut se passer et nous toucher ici, justement. Voilà, du coup, il y a deux dates un peu avant de terminer l'émission. On invite les gens à venir pour en discuter, pour se retrouver et puis voir ce qu'on pourrait faire ensemble. La première, c'est le 30 janvier, du coup, au Vignol. 33 rue des Vignoles, dans les locaux de la CNT, dans la grande salle. Il y aura donc à partir de 19h, l'assemblée sera ouverte jusqu'à 22h30 environ. Voilà. Et le, la, après, du coup, on voit, on est en train de discuter, et ça sera l'occasion le 30 janvier, de l'organisation d'une possible manifestation le 16 février. Mais voilà, c'est encore à confirmer, mais en tout cas à suivre entre cette fin du mois et le mois prochain, en tout cas en espérant qu'il y ait des nouvelles mobilisations qui repartent un peu par rapport aux offensives en cours capitalistes au Mexique et ailleurs dans le monde. Ouais, peut-être, du coup, on a encore juste 2 minutes. Donc, pour dire que vous pouvez venir le 30 janvier donc au Vignol à partir de 19h. Après, les autres premiers, troisième et cinquième mercredi, on aura toujours notre assemblée ouverte, cette fois à partir de 20h30, toujours au même endroit. Et on a un site que vous pouvez consulter. Normalement, il y a les derniers communiqués qui sont sur notre site, c'est cspcl.ovaton.org. Et donc, vous pourrez peut-être lire, si ceux qui lisent l'espagnol, pour le moment, on ne l'a pas encore passé en français, pas tout à fait terminé. Donc, on attend une version qui soit plus facilement lisible. Mais donc, pour ceux qui liraient éventuellement l'espagnol, si vous lisez, vous êtes peut-être un petit peu choqués sur le fait qu'ils répètent énormément qu'ils sont seuls. Je pense que c'est, on le disait en introduction, c'est effectivement dans un contexte où c'est pas seulement les socialistes, c'est aussi la première fois qu'il y a un pays dit socialiste depuis au moins la révolution française, n'importe quoi, la révolution mexicaine, début du siècle dernier, un parti dit de gauche qui serait au pouvoir, sachant que ça c'est aussi 30 millions, même si le parti révolutionnaire institutionnel et se disait de gauche, mais lui s'est transformé dans une dictature de 70 ans au pouvoir. Là, c'est quand même 30 millions de personnes apparemment qui auraient voté, ce qui fait quand même un tiers de la population mexicaine, ce qui est énorme. Et je pense que c'est aussi en ça qu'ils sont seuls, parce que toutes ces personnes-là sont probablement des gens qui ont jusqu'à un temps été sensibles. Et là, c'est vraiment la volonté aussi de mobiliser les autres personnes en dehors, qui eux aussi se démobilisent. Enfin, c'est-à-dire que du coup, même nous, on a beaucoup de luttes ici. Là, on a justement des gilets jaunes, heureusement, qui certains sont quand même bien dans une dynamique d'essayer de faire autre chose autrement. Et donc voilà, peut-être que justement, on essaiera d'en parler pour essayer de... Nous, de Paris, finalement, les gilets jaunes, on voit peut-être pas vraiment ce que ça peut prendre comme ampleur dans le reste du pays si on n'a pas pris les ronds-points en France. Mais donc, on va peut-être essayer justement de pouvoir en parler, de créer des ponts, parce qu'il y a plein de choses à faire avec les uns et les autres sur plein de terrains. Donc, à vos luttes, chers auditeurs. Et réécoutez-nous si vous le voulez. Venez nous rencontrer donc également si vous le souhaitez, le 30 janvier, 33 rue des Vignoles. La lucha sigue, merci. Salut. Mais on se dépêche parce que...